les jours, nous t'as cherché comprendre sans ça la vie. Laisse nous arriver comprendre ça qui a passé dans le monde entier. La vie, tantôt triste, tantôt belle, avait un chat espoir, un chat illusion. Et dans le pays, que tant de jeunesse qu'a cuit. Je n'ai qu'à crier, crier, crier.